nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tukunasalimia kila mmoja wenu mujina Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya kuomba. Prions-nous tous ensemble. Tuombe sisi wote pamoja. Baba yetu aliye juu mbinguni. Merci encore une fois de plus. Mara ingine tena asante. Pour ce temps que tu nous as donné. Njoi wakati unetupatia. Tu nous as donné ce temps pour nous préparer. Utupatia wakati juu tupate kutayarisha. Nous sommes séparés depuis dimanche. Nitangia siku ya juma tulitenga paifashi. Chacun de nous était dans ses occupations. Kila moja wetu alikuwa makazi yake. Mais ta grâce nous a rassemblés ici. Lakini neema yako tukusanyika tena mangaribi hapa. Parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Sababu hawayamaliza kazi na sie. Bénis chaque frère. Bariki la nduku. Bénis chaque sœur. Bariki la dada. Bénis les responsables de cette église. Bariki benye kwa madaraka ya kanisa. Bénis les frères et les sœurs qui sont en ligne. Banduku na wadada wako mtandao. Nous avons besoin de ta grâce. Tunahitaji neema yako. Nous avons besoin de ton salut. Tunahitaji wokovu yako. Nous avons besoin de ta guérison. Tunahitaji matunzo yako. Nous avons besoin de ta compréhension. Tunahitaji kuelewa kwako. Et de ta révélation. Na ufunuo yako. Pour marcher comme les enfants du royaume. Tembea sabato tu amkifa mfalme. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis la parole qui sera lue. Neno itasomewa. Au nom de Jésus. Ujina la Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Le pasteur Paulin, Pasteur Paulin, ainsi que son conseil, na Shauriaki, qui était venu ici pour ramener les serviteurs de Dieu Mundu, Barikuyapa, Njakumudisha Mtumishi Mundu, vous m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Il y a la sœur consolée aussi. Da consolé nae. Avec qui j'ai parlé, qui vous a tous salué. Nianza ongea nae, alimsalimia nae mujina Yesu Kristo. Dans Jean au chapitre 6. Mukitabu ya Yakobo sita. Verset 66 jusqu'au verset 70. Musa qui m'a commis cita na cita, fika par la makumi saba. Jean 6. Yohano cita. Verset 66. Mustariake ya makumi cita na cita jusqu'au verset 70. Kufika par la mustariake ya makumi saba. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze. Yesu akambia basi ya bakumi na mbiri. Et vous, na mweye. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Eti amupende na mwe kwenda. Simon Pierre lui répondit. Simoni Petro akamjibu. Seigneur. Bwana. A qui irions-nous? Ni kwa nani tutaenda? Tu as les paroles de la vie éternelle. Wenjoku na maneno ya buzima milele. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Tuliamini na tunatambua kwamba wewe uko Kristo. Le Saint de Dieu. Mutakatifu wa Mungu. Jésus leur répondit. Yesu akajibu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Eti aina mimi michakula. Vous les douze. Mwe kumi na mbili. Et l'un de vous est un démon. Na mumoya katikati wenu ni demona. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomia neno lake. Dimanche, nous avons beaucoup insisté pour montrer à l'église qu'il y a une très grande différence entre l'élection au salut katikati ya uchakuzi kuokovu et le salut dans le service ou dans le ministère na uchakuzi mukazi wala muduma. Pour ce qui est du salut de tout homme, kwa ile inangalia okovu ya mtu wote, Dieu avait respecté le libre arbitre de l'homme. Mungu aliheshimia uhuru ya kuchakula ya mtu. C'est pourquoi pour le salut de chaque homme, Dieu komana juu ya okovu ya kila mtu. Dieu a choisi les gens selon ce que sa préscience lui avait déjà montré. Mungu alichakula bantu kufuatana na vile kutangulia kufahamu kwake kulimonishaka. Mais pour ce qui est du ministère ou du service, lakini kwa ile inaangalia huduma wala kazi, Dieu est souverain dans son choix. Mungu eko mkubwa mchakula kwake. Il a choisi les gens selon sa propre volonté. Alichakula batu kufatana na mapenzi yake mwenyewe. Et selon sa préscience. Na mkutangulia kufahamu kwake. C'est pourquoi nous vous avons dit dimanche. Que le choix dans le ministère. Ya kwamba uchakuzi muduma. Dans le service. Mkazi. Dieu choisit même des démons. Mungu ona chakula ata mademona. Il peut choisir des rois païens comme nous l'avons vu. Anezi kuchakula ata bafani mapagano pave tuliona. Le cas de Nebuchadnezzar et de Cyrus. Ya Nebuchadnezzar na Cyrus. Il peut choisir un politicien. Anezi kuchakula ata mfanya siasa. Pour accomplir son objectif. Ju ya kutimiza kifukuzio yake wala shabaha. Et ça, c'est très important que l'Église comprenne cela. Na ile ni mafa kabisa kanisa ipate kuelewa. Pourquoi? Njua nini? Les véritables élus ba teule ba kweli ne sont pas attachés aux dons. Bo abambatanake kumazawadi. Ils ne sont pas attachés au ministère. Abana benye kuambatana kabisa kumahuduma. Ils ne sont pas attachés au miracle et au prodige. Abana benye kuambatana kabisa kumamujiza na maishara. Ils ne sont jamais attachés aux bonnes œuvres. Abana benye kuambatana kumatendo mema. Non, mon frère. Apana nduku yangu. Non, ma soeur. Apana dada yangu. Les dons. Mazawadi. Les vrais dons. Mazawadi ya kweli. Peuvent se retrouver entre les mains d'un démon. Niezi kupatikana mumikono ya demona. D'un faux. Wabongo. Comme de vrai. Kama vile ya kweli. Cela peut, on peut retrouver de véritables dons. Manezi kupata mazawadi ya kweli. Parmi les faux. Katikati ya batumishi ya bongo. Comme parmi les vrais. Na katikati ya batumishi ya kweli. Quand nous lisons la Bible. Mwakati tunasoma Biblia. Balaam est appelé par la Bible un devin. Balam kupitia Biblia banamta sema mfumu wa kula kuisha. Et tout le monde sait que c'est un faux prophète. Na batu bote banayua kwamba ni nabii wa bongo. Mais Balaam avait un véritable don. Lakini Balaam alikuwa na zawadi ya bia kweli. Comme nous avons pris le cas de Judas. Pavitubeba mfano ya Yuda. Judas était faux. Yuda alikuwa wa bongo. Mais le ministère qu'il avait. Mais lakini ile huduma alikuwa nayo. Mais venait de Dieu lui-même. Ilitokea ni kwa Mungu yeye mwenyewe. Vous voyez. Unaona. Les miracles, ma miujiza, se trouvent parmi les faux ouins, babongo, comme parmi les vrais ouins. Paka vile vile na katikati ya bapakaliwa kweli. Les bonnes œuvres, ma atendo mema, se retrouvent parmi les vrais véritables, les vrais enfants de Dieu. Katikati ya batoto wa Mungu ba kweli, comme parmi les faux. Na vile vile katikati ya batoto wa Mungu ba bongo. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Voilà la raison fondamentale pour laquelle les élus ne s'attachent jamais à ces choses-là. Mais les élus sont très fortement attachés à la parole de Dieu, à la parole de vérité, aux promesses de leur temps. Voilà la chose qui empêche les élus d'être séduits. Ceux qui s'attachent au ministère, aux dons, aux bonnes œuvres, aux miracles, aux hommes, sans considérer la parole de Dieu, tombent sous la séduction de l'ennemi. Beonanguka tinya utongozi ya adui. Il dévie. Bekonenda pembeni. Ce n'est pas tout prédicateur qui dit qu'il a la parole, qu'il a la parole. Aina kwamba mhubiri wote anasema kuna neno hakika kuna neno. Depuis que chacun de vous est né, tangia kila mmoja wenu kuzalikwa, il n'a jamais vu et entendu un prédicateur qui dit, aya onaka wala shashikiaka mhubiri wala sema, moi je suis un faux prédicateur, je suis un faux pasteur, je suis un faux évangéliste. Anasema mimi ni pastori wa bongo, ni mpasha habari njema wa bongo. Je suis suscité pour séduire les gens. Afmie nilitwa kuhuduma njoo kutongoza batu. Non bien mes frères. Hapana nduku. Ça n'existe nulle part. Akala keku. Mais cette semence que Dieu a mise dans les élus, lakini imbeko Mungu Mungu areka mbateule, avant la fondation du monde, bila msingi ya dunia, ne reconnaît que la pure parole. Inekalaka na tambua paka neno sasa. Même s'il y a 10,000 paroles mensongères, kama kuna kuya 10,000 paroles ya bongo, lui, lakini mteule ye s'attachera à une seule, atenda kombata pa kuile moya, qui est toute la vérité de Dieu. Yenye kuya ukweli yote ya Mungu. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Pas au miracle. Apana kuma miujiza. Parce qu'il avait prié pour Zababu, moi. Sababu aliombeaka. Pour ma femme, pour mon enfant, pour mes parents. Aliombeaka mtoto yangu, aliombea bazazi yangu. Non. Apana. Parce qu'il prêche bien. Sababu na ubiri mzuri. Non, apana. L'éloquence n'est pas le ministère. Muzuri aina njo duma. Njo akusema muzuri. L'éloquence. C'est ça, ce n'est pas ça le ministère. Aina duma. Ce n'est pas ça être dans la vérité. Aina njo kwa mukweli. L'élu s'attache Muteule à la pure parole. Anenda la kwa parole mbatana, de vérité. Kuneno safi, kuneno akweli. C'est tout ce qui préoccupe son cœur. Comme aujourd'hui, je vais terminer sur l'objectif de l'élection. Écoutez-moi encore. Dieu connaissant Mungu ye mwenye kujua que la séduction serait très grande sur la terre. Ya kwamba utongozi utakuwa mkubwa sana pa dunia. Pour épargner les élus, sababu ya kuepusha bateule de la séduction, mutongozi et de la confusion. Na mumuvuruko. Depuis l'éternité, Tangia milele, Dieu avait choisi Mungu alikuwa mwenye chakula les messagers de chaque âge, bajumbe ba kila kizazi, et les avait dotés de tout le matériel, na alibapatiaka vyombo vyote, les styles, ma namna, leur langage, namna yabo kusema, leur nature, semeyo asili, leur comportement, tabia yabo, pour dénoncer le péché de l'âge, ju ya kweka peupe mazambi ya kizazi. Et pour annoncer aux élus les promesses de l'âge. Na njua kutangazi ya bateule malako ya kizazi yabo. Afin de réveiller leur attention. Kusudi ya kulamusha zamiri yabo. Pour ne pas s'attacher à ce qui est faux dans cet âge-là. Njuu bashambatane na kiababongo mukire kizazi yabo. Les messagers Bajumbe de chaque âge ba kila kizazi, Dieu ne les envoie pas par hasard. Mungu ashibatumake kwa kubahatisha. Comme il est omniscient, savile yeye ni anajua yote. Par sa prescience, il connaît toutes choses. Tanguria kufamu anajua bitu yote. Il connaît toutes les machinations de l'ennemi dans chaque âge. Anayua bujanja bote bwa shetani mkila kizazi. Il connaît le péché. Anayua zambi. Que l'ennemi le adui répandra dans chaque âge. Atazambia mukila kizazi. Pour séduire les gens. Sababu kutongoza batu. Il connaît même les fausses doctrines. Anayua ata mafundisho ya bongo. Que les démons répandront dans chaque âge. Mademona itazambaza mukila kizazi. Pour séduire les élus. Sababu kutongoza bateule. Et Dieu leur envoie une sentinelle. Na Mungu anabatumia jamu. Le messager est une sentinelle de l'âge. Mutumbe ni jamu wakati. Dieu lui a donné une nature. Mungu anamupatia asili. Qui va à contre-courant. Ile ikuna pinganishana. De tous les esprits de l'ennemi de l'âge. Na maroyote ya kizazi. Qui va à contre-courant. Ile ikuna kumbanisha. De toutes les doctrines. Mafundisho yote. Que l'ennemi. Ile adui. Amènera dans cet âge. Ataleta mwi kizazi. Il est très bien armé par Dieu. Eko mwenye kuvikwa masila yote ya kweneana kwa mpitia Mungu. Il est revêtu de cet esprit. Ane asha kuvikwa na ile roho. Qui discerne. Iko na tambua na tangulia kutambua. Chaque péché de l'âge. Kila zambi ya kizazi. Et qui dénonce. Na aniweka wazi. Chaque péché de l'âge. Zambi yote ya kizazi. Pour que les élus bateule ne tombent pas basianguke dans la séduction. Utongozi. Il est l'unique qui annonce la parole de vérité dans cet âge-là. Nié peke njo eko na tangaza neno ya kweli mukia kizazi. Il faut écouter le messager. Njo kwa maana inafadhali kumshikia mjumbe. Et dans chaque âge, na mukila kizazi, il n'y n'y a aucun ministère Akuna uduma atamoya qui a une connaissance plus élevée ilezikuya na ufamu ya juu kabisa que le ministère prophétique kushindia uduma ya unabi. Non mon frère apana nduku yangu. Même le ministère d'enseignement ata uduma ya bamwalimu n'est pas au-dessus Aikala ke yulu du ministère d'aigle ya uduma ya ntai ministère prophétique a uduma ya unabi. La parole dans chaque âge, la véritable parole de Neno promesse. Tout ce que Dieu a dit à l'église épouse vient au prophète de l'âge. Celui qui dénonce tous les péchés, tout ce qui est faux. Dans l'âge de Smyrne, de Sardes, à la page 244, Frobanam dit ceci. Frobanam a ma vie. Car quiconque Kwani, yoyote, n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ule ananawa Christu anawake. Et Christ est la parole. Na Christu ni neno. C'est donc la parole reconnue Basi. Par ce peuple. Ni neno yenye kutambua kupitia taifa yake. La parole Neno. Doit être reconnue Bana pasha kuifamia, kuijua. Par ce peuple kupitia taifa ili. De l'âge prédestiné à la vie. Ya kizazi kenye batangulia kujua kubuzima. Mais lakini Dieu a investi Mungu alitia sana d'une autorité particulière uwezo ya kipekee. Ce messager qu'il a choisi lui-même, Bale Bajumbe, Bale Mnyar Chakula, selon les conseils de sa propre volonté. Kufuatana na shauri ya mapenzi yake mwenyewe. Chaque messager de chaque âge, kila mujumbe wa kila kizazi, est investi d'une autorité particulière. Eko mwenye kupawa uwezo moya ya kipeke. C'est Dieu lui-même qui les a choisis. Sababu ni Mungu mwenyewe ndio alibachakula. Selon son conseil, son propre conseil de sa volonté. Fatana na shauri yake mwenyewe ya mapenzi yake. Dans la manière d'un vrai prophète. Mu maubiri namna kutenda ya nabii wa kweli. À la page 16, paragraphe 79. Katasi yake ya 16 na nukta yake ya 79. Le Seigneur a l'a ainsi créé. Bwana aliumba hivi. Les prophètes Nabi naissent messagers pour un âge. Eko nazalikwa na mujumbe wa kizazi kimoya. Ils naissent messagers. Eko nazalikwa mujumbe. Beko nazalikwa bajumbe pour un âge. Dieu a kizazi kimoya. Dieu par sa prescience mukutangulia kufahamu kwake connaît l'âge. Anajua kizazi. Et il place son agent, na ekone kamfaza mfakaji wake, son prophète, nabi wake, son messager là, mbe wake ule, là dans cet âge, mule mukizazi kile, pour dénoncer le péché de cet âge là. Ninju ya kuweka wazi wala kutaya mazambi ya kile kizazi. Amos dit. Amos, et on a sema. La parole. Nenu. De Dieu vient au prophète. Yamung unakuya wanabi. C'est pourquoi Dieu leur investit une autorité particulière. Je komana mungu apatiaka uwezo wa kipekee. Dans les événements rendus clairs par la prophétie. Mu maubiri mandamano yenye kuweka wazi kupitia unabii. Dimanche soir. Ya mshiku ya juma mangaribi. 1er août 1965. Tradition Shekina. Kutafsiri kwa Shekina. Dieu, paragraphe 55. Nous taïki à 55. Dieu fait son propre choix par prédestination. Mungu unafanya uchakuzi yake mkutangulia kutayarisha. Il a choisi les prophètes pour chaque âge. Alichakula banabi juu ya kila kizazi. Remarquez cela. Na tazameni ile. Dieu Mungu détermine la nature d'un prophète. Eko najua asili ya nabii. Pour qu'elle convienne à un âge. Pour que sa nature convienne à un âge. Vous voyez? Il modèle son style. Dieu modèle son style de tout ce qu'il fait. Il le prépare qu'il soit instruit ou non. Dieu prépare les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura. Zawadi il atakuwa nani. Na ile mazawadi. Même le don. Itamushindikiza. Va lui accompagner. Et le message. Na ujumbe. Pour un âge donné. Ju ya kizazi fulani. Voyez-vous? Munaona. Dieu. Mungu. Prépare les dons. Una tarisha mazawadi. La manière namna ile dont ce messager de l'âge unabi wa kizazi prêchera ataanza kuhubiri nayo et le don na zawadi en dehors du ministère prophétique nje ya huduma ya unabi qu'il aura il atakuwa nayo. Voyez frère, unaona nduku. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu'elle arrive et qu'il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, combien de réalisations humaines il y a, rien hakuna ne kitu peut prendre sa place. Naweza kubeba wala mutu na nafasi yake. Ne peut prendre ule la place du messager de l'âge. Kubeba fazi ya mjumbe wa wakati. Dieu na Mungu a prédestiné l'homme. Alitangulia kutayarisha mutu. Peut-être un ignorant. Au la sikujue kitu. Il aurait peut-être prédestiné à être un genre d'homme. Dieu a kwa mutu mwa vile. Quoi qu'il soit. Ata vile binezi kwa vile. Il lui donne sa classe. Lakini Mungu anampatia ses dons. Anampatia zawadi. Sa classe, ses dons. Anampatia zawadi. Il lui donne sa nature. Anampatia asili yake. Son style. Anampatia namna yake. Et peu importe ce que c'est. Na aizuri lenezu kuya. Et sa manière. Namna. De s'exprimer. Yake ya kusema. Et tout ce qu'il fait. Na bile biote unafanya. Il façonne l'homme de l'air. Tunga mutu wakati. Il façonne l'homme de l'air. Na tunga mutu. Il façonne le prophète de l'air de façon à attraper les élus, les peuples de l'air. C'est vrai. C'est ce que Dieu fait. Na, ile Mungu kunafanya. C'est pour attraper Mungu ya kukamata. Les élus prédestinés dans cet âge-là. Ukile kizazi. Vous savez même aujourd'hui, Najua ataleo, nous les prédicateurs, nous sommes très prétentieux. Si baubiri tu baujizania sana. Aujourd'hui même s'il y a beaucoup de fausses doctrines, leo ataka kunakoma mafundisho ya bongo ya mingi. C'est parce que la plupart, sababu ba mingi katikati ya baubiri, méprise le style du prophète. Beko na beula namna ya kutenda ya nabi. Ne comprennent pas le langage du prophète. Aba elewe musemeyo ya nabi. C'est Dieu qui a fait cela. Ni Mungu ndio alifanya vile. Pour attirer les élus de cet âge. Ju ya kuvuta bateule bakile kizazi. Et les véritables élus. Na bateule bakweli. Ne peuvent jamais aller loin. Kamwe abawezi kwenda mbali. De tout ce qui est annoncé par le messager du jour. Na ile yote kuna tangaziwa kupitia mujumbe wa siku. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Kweli dada yangu. Vous ne pouvez pas aller loin. Enelino. Muteule apana awezi kwenda mbali. Dieu sait cela. Mungu anajua ile. Quand Dieu prépare son messager de l'âge, wakati Mungu atayarisha mjumbe, son message, wa zazi, son style, sa nature, yake, style de ses prédications, namna ya maubiri yake, même les dons, ata zawadi, ma zawadi, qui doivent l'accompagner, ile inapasha kumshindikiza, c'est dans cet objectif, na ni mukifukuzio moya, d'attraper, ya kukamata, de saisir, wa kushika, les élus, bateule, de cet âge-là, ba kile kizazi, pour qu'il ne tombe pas dans la séduction. L'église est avec moi. Kanisa tupamoya. C'est pourquoi il faut lire les messages. Je crois mana inafazali kusoma ujumbe. Apana kuachaka paka weba kusomea message. Attendre seulement qu'on puisse te lire seulement le message. Et comme ma brochure. Le message et dans des brochures. Comme ma bande. Et sous le bande. Kama uko nasoma si, brochure, unashikia mabande, et tu écoutes les audios, utakuya na bati ya kuelewa namna kani Roho Mtakatifu alikuwa eko na tafsiri maandiko takatifu ya Biblia ndani ya kizazi, et la Bible dans notre âge ici. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant, pour achever l'objectif de notre élection. Sasa, njia kumaliza kifukuzio ya uchakuzi yetu. Parce que la Bible dit. Avec la Bible ensema. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens. Pavé tu misomea mwa Efeso. Il dit Dieu nous a élus en Christ. Sema Mungu atuteula ndani ya Kristo. Pourquoi Dieu nous a-t-il élus en Christ? C'est ça la question que chaque frère et chaque sœur doit se poser en tant qu'élu. Pourquoi d'abord il nous a élus? Dieu a nini kwanza alituchakula? La réponse est très simple. Jibu ikumepesi kabisa. Si Dieu nous a élus, kama Mungu atuteula et nous a placés en Christ, na anetuweka ndani ya Kristo, c'est parce que depuis l'éternité, sababu tangia milele, dans sa préscience, mukutangulia kufahamu kwake, Dieu nous avait vus croyants. Mungu alikuwa kanesha kutuona baaminifu. Qui le Mungu, la raison pour laquelle Aritu chakulia ndani ya Christ, Dieu nous a élus en Christ. Niju aritanguria kutuona dans sa présence. Baminifu, il nous avait déjà vu croyants. les croyants ba minifu de sa parole ba nenu lake. C'est vrai, frère. Kukweli nduku. Quand Dieu nous a vus, wakati Mungu alituona, par sa préscience, tangulia kufahamu kwake, croyant, ba minifu. C'est ainsi que Dieu Njo kwa mana Mungu nous a prédestiné alitangulia kutayarisha après notre élection kisha uchakuzi yetu à être semblable à son fils tupate kufanana na mwana wake. Quel est le but na nikifukuzio kan pour lequel Dieu nous a choisi. Kenye Mungu artuchakuria. Quel est l'objectif que Dieu avait à atteindre avec nous? Nani shabakani Mungu alikuwa nayo juu yetu. Écrivez. Mwandike. Premièrement, ya kwanza, si nous avons été élus, kama tulichakuliwa, c'est parce que Dieu nous a vu croyants. Sababu, cela signifie quoi? Aritona kaja ba minifu manake nini? Dieu Mungu n'a pas vu akunake des résistances en nous kumukangala ndani yetu vis-à-vis de sa parole. Mbele ya neno lake. Dieu n'a vu aucune résistance en nous ashikonake kumukataria ndani yetu contre sa parole. Neno lake. Il n'y avait pas en nous Danietu amkukuyake de résistance kangala wala katala contre la parole de Dieu neno la Mungu. Non apana. Quand il nous a vus dans sa présence tangulia kufahamu kwake mwakati alitonaka ya pili. Comme il savait que sur la terre on serait des pécheurs, ya kwamba pa dunia tutakuwa batina zambi, perdu, benye kupotea, sans solution, bila jibu. Il nous a élus, il nous a élus, aritu teula, et il nous a prédestinés. Na aritangulia kututayarisha. Pour nous ramener, juu ya kuturudisha. Pour nous ramener, juu ya kuturudisha. D'abord, pour nous racheter, juu ya kutukomboa kwanja. Et nous ramener, na kuturudisha. À la position, namna yetu mshomeo yetu. Qu'on avait perdu. Il est tulikuwa à la position première, na aliyetu ya kwanja. La position qu'avait perdu. Il est aripoteshaka. Adam et Eve. Adam na Eva. Avant le péché. Mbele ya zambi. Si Dieu kama Mungu nous a élus, alituchakula, c'est pour nous racheter, notez cela. Ya kutukomboa mwandike et nous ramener na njua kuturudisha à la première position perdue. Aliyetu ya kwanza ile tupoteshaka. La position aliile avant la chute, il kuaka na mbele ya kuanguka de l'homme, kwa muntu, le rachat, ukombozi, a un objectif, iko na kifukuzio, de nous ramener, ya kuturudisha, à la première position, ali ya kwanja, que l'homme a perdu, ile muntu ashapotesha, wala ile muntu ya kuaka na mbele ya kuanguka. Deuxièmement, après le rachat. Na yapiri kisha ukombozi. Après que nous soyons rachetés. Kishashi kukombolewa. Dieu nous a élus. Mungu alituchakula. Pour qu'il vienne vivre en nous. Sudi apate kwa kuishi ndani yetu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Pour que lui. Saba juu yeye. Viennent vivre tous les jours en nous. Apate kwa kuishi kila siku ndani yetu. Si Dieu nous a élus, kama Mungu alituteula, C'est pour nous racheter et nous ramener à la première position avant la chute. Après que nous soyons rachetés et ramenés, Dieu maintenant nous a choisis pour que lui-même vienne habiter en nous. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Troisièmement, après le rachat, Kisha Ukombozi, après avoir nous ramené, Kisha Kuturudisha, après qu'il soit, après qu'il les habite, qu'il soit habité en nous, Kisha Ekukala Ndani Etu, qu'il nous donne à tout pâtir sa vie éternelle. Bujima boake boamilele. Comme dans le jardin d'Eden. Avec Mushamba na Edeni. Avant le péché. Bustani Edeni bil mbele ya zambi. C'est vrai. Kweli. Et quatrièmement. Na ine. C'est pour nous voir, nous les élus, vivre une vie sainte, juste devant lui, comme lui-même est saint et irrépréhensible. L'objectif Kifukuzio qui a amené, qui a poussé Dieu à nous élire, c'est pour que nous vivions une vie juste, une vie sainte devant lui, comme lui-même est saint. C'est vrai, frère. Et cinquièmement, c'est pour que nous soyons semblables à Christ en toutes choses. Nous avons été élus pour être rachetés et ramené à notre position première, pour que lui-même Dieu vienne habiter en nous pour toujours, pour qu'il nous donne sa vie éternelle comme il l'avait donné à Adam et Eve dans le jardin d'Eden avant la chute. C'est pour qu'il nous voie lui après notre rachat, vivre une vie sainte, une vie juste devant lui, pour être semblable à Christ en toutes choses. Voilà pourquoi il nous a élus. C'est vrai, frère. Dans 2e Thessaloniciens, mu wa Thessalonica wa pili, 2e Thessaloniciens wa Thessalonica wa pili, dans son chapitre 2, mustaraki wa pili, dans son verset 13 à 15, mustari yake ya kuminatatu pa kuminatano, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, kwetu shie nduku mwapendwa babwana, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Tunapasha kwa upande wenu kwanza kumshukuru Mungu kila wakati. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement sababu Mungu pour le salut. Tangia kumwanzo juu ya okovu. Dieu nous a choisi dès le commencement, c'est pour que nous soyons sauvés. Kusudi tupate kokolewa. la sanctification de l'esprit, kupitia utakaso wa roho, par la foi en la vérité, kupitia imani ndani ya ukweli. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Quand un homme est sauvé, wakati mtu anaokolewa, après avoir mis sa foi, kisha ye kuweka imani yake, dans la vérité, ndani ya ukweli, la vérité de Dieu, kweli ya Mungu, le sanctifie, iko na mutakasa. L'esprit de Dieu, roho ya Mungu, est la vérité, injo ukweli. La parole de Dieu, neno la Mungu, est la vérité, ukweli. Étant né de la vérité, benye kuzali kwa mukweli, parce que nous avons cru à la vérité, babu tureamini kukweli, la foi, imani, notre foi, imani yetu, que nous avons mis dans la vérité, tulueka katika engendra en nous, iko nazalishwa ndani yetu, après notre salut, kisha okovu yetu, une vie sanctifiée, ya utakaso, une vie de sainteté, maisha ya butakatifu. Quelqu'un ne peut pas dire, mutu awezi kusema kwamba, je crois la parole de Dieu, minaamini neno la Mungu. En d'autres termes, msemo mwingine, je crois en la vérité, minaamini katika ukweli. Mais lakini, dans sa vie, maisha yake, il vit une vie souillée, eko na maisha ya buchafu. Non, il n'est pas sauvé. Apana, bado hayaokolewa. Il n'est pas sauvé. Hayaokolewa. C'est lui qui est sauvé, ule mwenye kokolewa, parce qu'il a mis sa foi, sababu, dans la parole de vérité, aliweka imani yake ndani ya neno la ukweli. Il a mis sa foi, aliweka imani yake, dans toute la parole de vérité, neno lote la ukweli. La parole et l'esprit de vérité, neno na roho ya ukweli, sanctifiera sa vie, itatakasa maisha yake. Kama uko naishi munzambi, si tu vis dans le péché, uko ntomboji kunelo la Mungu, tu es rebelle à la parole de Dieu. Mwanamke wa bongo, une femme menteuse. Mwanaume wa bongo, un homme menteur. Mwanamke mwizi, une femme voleuse. Mwanaume mwizi, un homme voleur. Mwanamke msharati, une femme prostituée. Mwanaume msharati, un homme adultère. Au ya okolewa, tu n'es pas encore sauvé. Ungari kuna kunywa lutuku, tu prends encore le boisson indigent. Ma whisky kuna kunywa, tu prends le whisky. Kuna futa ntumbako, fume la cigarette. Tu n'es pas sauvé. Bado au ya okolewa. Non, frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Pana dada. Nous avons été choisis, si, c'est pour être sauvés, pour être délivrés. L'objectif pour lequel Dieu nous avait choisis, c'est pour qu'il nous délivre lorsque le temps sera accompli sur la terre. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le salut okovu est une expérience. Nyonjo. Le salut okovu est une vie. Ni maisha. Celui qui est sauvé, mwenye kokolewa, il mène eko na une vie de sainteté. Maisha ya butakatifu. Il aspire à la sainteté eko na tamania pa dans tout ce qu'il fait. Mubile biote e unafanya. Il a la soif de la sainteté. Kiu ya butakatifu. Oui, bien aimé frère. Ndukumpendwa. Bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. C'est un enfant obéissant. Il obéit à la vérité. Il a mis sa foi à la vérité. La foi à la vérité. Et Jésus-Christ a dit à ceux qui avaient cru à son temps et à nous qui croyons aujourd'hui, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Pourquoi mon amour Abishilani? Tu étais une femme colérique. Pourquoi mon amour Abishilani? Tu étais un homme colérique. C'est la raison pour laquelle Dieu t'avait éli. Lorsqu'il te sauve, et il va ôter même la colère. Si tu étais avec les gens, avec ma fitina, anakutosh. Avec le rankin là, il va ôter. Kama rukwa mwanamuku mwanamu wa chuki. Kama nakokola na chuki yenyewe anatosha. Et même la haine, il va retirer. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada yangu. Nous avons été choisis. Iye tulichakuliwa. C'est pour être sauvé. C'est pour le salut. Ya okovu. Et quand quelqu'un est sauvé, l'esprit de la sainteté habite son cœur. Il met sa foi dans toute la parole de vérité. Il produit une vie sainte. Il a des pensées saintes. Il a des œuvres saintes. Il a des paroles saintes. Il marche dans la sainteté comme celui qui l'a sauvé. C'est vrai, frère. L'église est avec moi. Tu peux déjà te classer. Unaizi kujipanga manamoya. Tu es sauvé. Tu vas seulement y marcher d'abord. À travers la vie que tu as en train de la vie que tu as jusque là, alors toi-même tu peux te classer. Tu ne peux pas être sauvé, mais tu es une femme têtue, une femme insoumise. Tu ne peux pas être sauvé, être un méchant mari, et un mari infidèle. Tu ne peux pas être sauvé, être un enfant rebelle. Non, frère. Tu n'as pas été prédestiné au salut. Mais tu n'es pas un élu. Dans Éphésiens chapitre 1. L'église est avec moi. Nous ne devons pas nous tromper. Na kulangia neno la Mungu bongo. La parole de Dieu, elle est claire. Je suis élu. D'accord, à tout cas. Mais quels sont les fruits que vous portez? Matunda kani. Quelle est la vie que vous portez? Na maisha kani ya mzuri kunayo. Si tu te lèves seulement avec la vie des gens, parler sur les gens, critiquer les gens. Est-ce que ça c'est la vie de l'homme sauvé? C'est la raison pour laquelle Dieu t'avait élu pour mettre les gens en conflit, mépriser les gens, haïr les gens, voler, commettre l'adultère. Et s'énerver à tout moment, être en conflit avec tous les gens à tout le temps. C'est la raison pour laquelle Dieu t'avait élu. Non. Éphésiens chapitre 1. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a élus. Ari tu chakula tu teula. avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Pour être saint. Kusudi tupate kuwa takatifu. Et irréprochable. Bila kemeo. Devant lui. Mbele yake. Pourquoi la Bible dit devant lui? Joani Bible asema mbele yake. Pourquoi la Bible, réveillez-vous, pourquoi la Bible ne dit pas devant Johnny, les gens? Biblia asema, c'est devant lui. Ces gens qui sont élus, suivez très bien, bale, bat, ces hommes et ces femmes qui sont élus, premièrement, sont des hommes déchus, ni batu, benye, kwanguka, sont des pécheurs, ni batenda zambi, qui ont amené la nature pécheresse. Daniabo bekona asili ya Zambi. Et Dieu na Mungu vient sauver des pécheurs. Bekona kwa koko batena Zambi. Des mortels. Bakufwa. Qui ont amené. Bale bekona Daniabo. La nature pécheresse. Na asili ya Zambi. Comme le salut de l'homme. Zavile okovu ya mutu. S'effectue en deux phases. Premièrement, Dieu sauve notre âme. Et deuxièmement, à son retour, il va sauver nos corps. Avant que lui ne sauve les corps, nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je vous disais, un saint n'est pas un zéro faute. Non. Vous voyez bien mes frères. Ce sont des pécheurs qui sont sauvés. C'est vrai. Et ces péchés qui sont sauvés, ils commettront certainement des erreurs. Mais comme les péchés ou les erreurs que les élus commettent n'est pas volontaire. Dès qu'il a non connaissance qu'ils ont manché, qu'ils ont péché, ils se répandent et réclame le sang de Christ sur Dieu. Et quand le sang de Christ les couvre, Dieu ne peut plus voir leur péché, leur faute. Mais les hommes continueront à voir leurs erreurs. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand vous offensez un frère, vous offensez une soeur, tu vas demander pardon. Le frère ou la soeur te pardonne. Mais il ne te justifie pas. Pourquoi? Cette faculté de la justification ne se trouve pas dans les humains. C'est pourquoi l'homme continuera à se rappeler du mal que tu lui avais fait. Mais quand Dieu lui te pardonne, il te justifie et vous devenez blanc comme la neige. Son sang efface complètement. Complètement. Kabisa. Votre faute. Ma kosa yako. Devant Dieu. Bele ya Mungu. Vous n'avez plus de péché. Auna tena zambi. Devant Dieu. Bele ya Mungu. Vous n'avez jamais péché. Auya tenda kaza. Parce qu'il a déjà pris vos péchés. Et les a jetés. Na ane dupa. Dans la mer de l'oubli. Mubari ya kusahabu. Parce que Dieu dit, sababu Mungu anasema, s'il a péché, kama alitenda zambi, il n'est pas responsable. Aina ye mwenye mambo. S'il a péché, kama alitenda zambi, il n'a pas fait volontairement. Asikufanye kwa kusudi. Chaque frère kila nduku, et chaque na soeur kila dada, qui péche volontairement zambi kuma kusudi, n'est pas un élu. Ana muteule. C'est vrai, frère. Bia kweri, nduku. Quand nous péchons, Nous regrettons. Nous repentons. C'est pourquoi Jésus, depuis qu'il a accompli son œuvre expiatoire, il est un souverain sacrificateur. Il est un avocat. Il est un médiateur. Il est chez le trône de Dieu. Il est en train de décéder pour tous les élus qui vivent encore dans la chair, qui continue à brancher de plusieurs manières. Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas responsables de ce que nous sommes dans la chair. Notre âme est sauvée. Notre âme n'a pas le désir du péché. Notre âme n'a pas la soif du péché. Nous n'avons aucune intention de haïr quelqu'un. Il n'y a pas le désir de faire du mal à quelqu'un. Nous n'avons pas le désir de se mettre en colère contre quelqu'un. Voyez, notre conscience a été purifiée complètement. Mais dans nos membres, il y a la loi du péché qui nous fait broncher involontairement. Et quand la parole de Dieu vient, il dit, toi, tu n'as pas agi correctement. Ça, ce n'est pas la vie des élus. Ce que tu fais là, ce n'est pas pour les élus. Quand vous voyez en tant qu'élu comment tu as fait, tu pleures, tu gémis, tu regrettes, tu te repens. Quand Dieu voit cela, il dit: Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est vrai, frère. Et quand il nous regarde, toujours juste. Pourquoi? Parce que par la voie de la repentance, par la voie du sang de Jésus, nous nous revêtons de la justice de Christ. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. On n'est pas méchant. Non, bien-aimés frères. Dans Tite, Tito, au chapitre 1, Tito, l'église est avec moi. Tite, Tito, au chapitre 1. Allons jusqu'au verset 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Et Dieu a kukamilisha kama miye Paul miko mutume wa Yesu Kristo ni juu ya kukamilisha imani ya bateule et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par Dieu, qui ne ment point et qui a été manifesté et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, à notre commune que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est vrai, frère. Dieu nous a élus. C'est pour avoir la connaissance de la vérité. Vous voyez? Et après avoir eu la connaissance de la vérité, que nous vivions selon la piété. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un connaît la vérité de Dieu, il mène une vie de piété. Il mène une vie comme Dieu. Voilà pourquoi les élus ont été choisis par Dieu. La connaissance de la vérité nous conduit, nous amène à la vie de la piété. Oui, bien aimé frère. La piété. Être comme Jésus. Être comme Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous ne pouvez pas être un élu avec la foi des élus. Mais vous vivez dans l'impiété. Non. Non, mon frère. La grâce nous a été faite pour nous secourir la foi des élus après qu'ils aient connaissance de la vérité, qu'ils vivent comme Jésus-Christ. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ça même le travail des ministres. Comme Paul le dit ici. Dieu a appelé Paul. C'est pour l'édification. Voyez. Le perfectionnement de la foi des élus. Donner la connaissance aux élus. Et quand ils ont la connaissance de la vérité, qu'ils vivent selon la piété. Avec espérance. Avec espérance. Avec espérance de la vie éternelle. Il leur avait été promis. C'est vrai, frère. Un élu, au fur et à mesure, il reçoit la prédication de la vérité. Il va en se transformer. La vérité qu'il reçoit le transforme. Les ténèbres disparaissent. Les mensonges disparaissent. L'adultère disparaît. Tout ce qui est faux disparaît. Et l'homme va en croissant, en ressemblant à Christ. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans Jean chapitre 15, je suis élu. Bien, tu es élu, mais qu'est-ce que tu es? Tu es qui dans la vie? Bueli ya kubuna kufanya buna kufikisha wapi? Buna kufanishia nini? Etke élu, ça t'a aidé, en quoi? Quoi bien mes frères? Non, nduku. Ma escroquerie pas kawei, bouche pas kawei, boucharate pas kawei. La duteur c'est ma toi. Ma bouconvi pas kawei, ma chuki pas kawei. La haine c'est ma toi. Boussemisemi pas kawei. Ah, s'aimer la zizanie c'est ma toi. Oko élu en quoi? Munini ukum teule. On ne voit pas l'image de Christ en vous. Adonne, pitié à mon Daniaku. Quand on si quelqu'un s'approche de toi, vous le suyez. Ou pas dans c'est comme ça qu'on vous a. C'est pour cela qu'on vous a élu. Jean chapitre 15. Dans le verset 16. Jésus-Christ dit. Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi où? Je vous ai établi. Je vous ai enraciné en Christ. Dans la parole. Parce que Christ est la parole de vérité. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Si Christ nous a choisi, Dieu nous a choisi. C'est pour que les élus portent du fruit. Non, du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Quel est le fruit du Saint-Esprit dont Jésus parle ici? Prenons Galates chapitre 5. Bébé wa Galatia tano. Le fruit. Tunda. Tunda ya. Tunda ya ro. Le fruit de l'esprit. C'est à cela qu'on nous appelait. Ni kwa ile njoba le tuitia. C'est la raison pour laquelle nous sommes élus. 22. Galates chapitre 5. Galatia tano. Verset 22. Mustari yake ya makumi mbili na mbili. Lisons ensemble. Tu sommes pas moins. Mais lakini, le fruit de l'esprit. Tunda ya ro. C'est l'amour. Ni mapendo. La joie. Fura. La paix. Salama. La patience. Umilivu. La bonté. Wema. La bienveillance. La foi. Imani. La douceur. Upole. Et na, la maîtrise de soi. Na kujizuiza. Il faut que inafazali ces fruits ici imatunda qui viennent du grand fruit. Il est igunatokea kutunda mkubwa. Il faut que c'est nature. Inafazali iasili qui vient du fruit de l'esprit. Igunatokea kutunda ya ro. Demeure dans les élus. Upate kudumu wala kuikala ndani ya bateule. Vois bien mes frères. Munaona nduku mpendo. Vois bien mes sœurs. Munaona dada mpendwa. On n'est pas aujourd'hui on est chrétien. Leo inasa leo mu Kristo. Demain on l'est plus. Kesho ona tena mu Kristo. On est chrétien. Mu Kristo. Pendant 6 mois. Mashiku meji sita. Et après 6 mois. Na kisha meji sita. On retrograde. Unarudia kumkoni. On est chrétien. Unaacha kuimani. Pendant 5 ans. Kadiri miaka 5. Après 5 ans. Na kisha miaka 5. On retombe dans le péché. Unaanguka tena mzamo. Non. Hapana. Quand quelqu'un est sauvé, wakati mutu anaokolewa, le fruit de l'esprit tunda demeure en lui. Kunadumu ndani yake. S'il ne sera pas un chrétien ou une chrétienne, hawezi kuwa mkristo wala mkristo. Leo unajimaitrize, unajizuiza. Tu as la maîtrise de soi. Unajizuiza. Kesho, demain, maîtrise na kupotea. Ah, ile maîtrise. Leo, uko mtu wa furaha. Aujourd'hui tu es joyeux. Kesho, hauna tena na furaha. Tu n'as pas la joie. Leo, unapenda. Tu aimes. Kesho, demain, mapenda na potea. Va na kona chuki. Va disparaître. Leo, uko na mikario mzuri na bantu. Tu es dans le bienveillant. Demain, pourquoi as-tu abandonné ton vote? Devient ennemi non, de frère. Apananduku. Léo, comment tu as imani? Aujourd'hui, tu as la foi. Kesho. Et demain, on a terrain imani. N'a pas la foi. Non bien aimé frère. Apananduku. Non bien aimé sœur. Apanadampe. Léo, ou comme Paulé? Tu es doux. Kesho. Et demain, on a quoi rebelle? Tu deviens tombosi, rebelle. Non bien aimé frère. Apananduku mpendwa. Non bien aimé sœur. Apanadampe ndwa. Quand quelqu'un est sauvé, wakati mutu anaokolewa, le fruit de l'esprit matunda ya ro, demeure en lui. Nekala, la patience, yake, la bonté, wema, la joie, fura, l'amour, mapendo, apana, non pas, weye, toi, Léo, aujourd'hui, on a la muka, tu te réveilles. Uko sa shetani, sa ou la shetani. On dirait un démon, c'est comme si tu as passé nuit avec les diables. Ah, le visage très renfrogné, fâché contre tout le monde, pas de joie. Non, c'est faux. Il est ni bongo. Tu n'es pas sauvé. Ah oui, au kolewa. Léo, Michi, la muka mzuri. Aujourd'hui, je ne suis pas bien réveillé. Allez loin de vous. Éloignez-vous de moi. Je ne suis pas bien réveillé. Tu n'es pas sauvé. Tu as des démons. Tu n'es pas au kolewa. Comment comme malade maîtrise si de soi. Tu es malade, kukuku jizuiza. Vois bien mes frères. Non anduku. Vois bien mes sœurs. Non quand quelqu'un est sauvé. Wakati mutu mwenye kokolewa. Il devient anakula, sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Ya ongozi ya Roho ya Mungu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Je vous ai choisi. C'est pour que vous alliez. Vous portiez le fruit. Et que le fruit. Demeure. Il faut que la nature de Christ. Demeure en nous. Un seul fruit. Mais à plusieurs facettes. C'est vrai frère. Chaque circonstance, mambo yote unafika, il y a une vertu. Kuko utawa moya hivi. C'est vrai frère. Munaona nduku. Paul disait, Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, toutes choses sont toujours bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la souffrance, même la mort, même la persécution, c'est toujours pour notre bien. Parce que ça forme en nous le caractère de Christ. C'est vrai, frère. Si Dieu nous a aimés en Christ, c'est pour que nous ayons tous les jours de notre vie une vie qui est semblable à celle de Jésus-Christ. Mais si toi tu n'as pas cette vie-là, posez-vous la question: quand est-ce que tu as été élu? Et pourquoi tu as été élu? C'est vrai, frère. Et regardez dans toute la Bible. Tous les gens que Dieu avait élus, ils ont marché avec le Seigneur de victoire en victoire, de sainteté en sainteté, et ils ont achevé leur course avec succès, avec honneur, avec un bon témoignage. Maintenant, toi, tu as été élu. Tu n'as même pas de bon témoignage à ton propre foyer. Tu es élu en quoi? Tu es élu. Toi-même dans ton cœur. Où qu'on a douté. Tu es élu. Tu regardes la vie que tu es en train de mener, la vie des troubles, la vie des désordres. On a douté, toi-même, on a shakia. Non, frère. Apana nduku. Non, ma soeur. Apana dayang. Notre objectif, ou l'objectif pour lequel voilà, Dieu nous a élus en Christ, c'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voyez bien, mes frères. Quand nous sommes sauvés, nous allons de sainteté en sainteté. Le péché disparaît en nous. Le désordre disparaît en nous. Mais la piété couronne notre vie. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Qui a compris? Merci. Accent. Devons-nous pour la prière. Tushimame, Dieu a combat. Tu es élu. Ou comme t'es oulé. Tu as un objectif à atteindre. On a kifukuzi, on a shaba. Aussi longtemps. Mwakati yote. Que ta vie. Maisha yako. Ne reflète pas Christ. Ayu, on est chez Christ. Vous êtes en danger. Uko katika atari. Votre foi est en danger. Maniako iko mwatari. Aussi longtemps que tu prétends être élu. Wakati wote unajidhania kwa mteule. Mais votre propre vie. Lakini maisha yako yenyewe. Est une vie qui est caractérisée. Ikunaonekana. Par le péché, la désobéissance. Yakutokuti. Vous n'êtes pas un élu. Auna mteule. Prions. Tuombe. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de ta parole. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous aimes.